les médicaments contre les symptômes de la sclérose en plaques ont en 30 ans fait un bond gigantesque, pour l'heure, la recherche bute encore sur le traitement qui permettrait d'interrompre la pathologie, voire de réparer les fibres de myéline endommagées. Pourtant, il semblerait que la solution ne soit pas très loin. Quelques options bien avancées sont encourageantes, mais il reste encore bien des questions en suspens. Pourquoi la maladie est-elle prévalente aux extrémités des deux hémisphères? Pourquoi touche-t-elle d'abord les femmes et pourquoi se déclare-t-elle à la sortie de l'adolescence? Sclérose en plaques quand le système immunitaire s'emballe, c'est le programme médical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les avancées de la recherche et de la thérapeutique sur cette maladie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Lubetzky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de neurologie à Sorbonne Université, chef du département de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où vous coordonnez le centre expert sur la sclérose en plaques. Et Bernard Zalk, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, ancien directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours, et bien en complément de votre écoute via notre fil Twitter @laméthodefc, où nous allons poster comme chaque jour bien tout un tas d'études, de liens, de références et de schémas pour compléter donc l'écoute de cette émission. Et comme je le disais à l'instant, si la médecine a fait d'énormes progrès depuis le début des années 90, la sclérose en plaques est encore une maladie qui pose de nombreuses questions, notamment sur ses origines. Pourquoi se déclare-t-elle chez les individus? Et ce, malgré quelques déclarations fracassantes, comme celle-ci par exemple, par une équipe américaine. Nous sommes au tout début de l'année 1976. La sclérose en plaques, 30 000 Français en sont atteints. C'est une maladie du système nerveux. Elle se caractérise par l'apparition de plaques de cellules sclérosées qui prolifèrent irrégulièrement dans la moelle épinière et le cerveau. Elle entraîne un raidissement progressif des membres, des tremblements et des troubles de la vision. Son origine, jusqu'à présent, elle n'a pas été formellement établie et pourtant, deux chercheurs américains viennent d'annoncer qu'ils ont mis en évidence le virus de la sclérose en plaques. Germaine Bartoli est allée demander au professeur François Lhermitte, chef du service de neurologie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, ce qu'il fallait en penser. Ce serait merveilleux d'avoir découvert le virus de la sclérose en plaques parce qu'au moins on disposerait en laboratoire de la particule vivante responsable de la maladie. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire, hélas, que dans les années qui viennent, on aura le vaccin. Mais ça veut dire qu'au moins, à partir de cette particule vivante, ayant la cause entre les doigts, il est possible que, pouvant la cultiver sur des milieux artificiels, on arrive, effectivement, à élaborer un vaccin. La difficulté, elle est très simple. C'est que identifier un virus, c'est très bien sur le plan de la découverte scientifique, mais pouvoir l'exploiter pour le dénaturer et en faire un vaccin, il faut pouvoir le cultiver sur des milieux artificiels. Mais si vous avez un vaccin, et si vous vaccinez des patients dès la première ou la deuxième poussée de la sclérose en plaques, je peux vous dire que cette maladie redoutable, par les infirmités qu'elle entraîne, sera une maladie bénigne, car les premières poussées sont quasiment toujours régressives. Voilà, extrait d'Interactualité du 1er mars 1976. Votre réaction, ça vous a fait étonnamment sourire cette archive, Catherine Lubetzky? Oh ben oui, c'était formidable d'abord d'entendre la voix de François Lhermitte, voilà, qui a été mon maître il y a très très très longtemps. Donc c'était formidable de l'entendre et puis de l'entendre parler de ce virus avec toujours une espèce de force de conviction qui le caractérisait. Ça me fait réagir sur deux aspects. Première chose, 30 000 patients atteints en France. Actuellement, on dit 100 000 patients, donc on pourra en reparler. 120 000 même parfois. Oui, voilà, l'épidémiologie varie souvent, un peu entre 100 000 et 120 000. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui fait réagir, c'est le virus qu'on a trouvé. Et voilà, un certain nombre d'années après 1976, eh bien, on se rend bien compte que s'il n'y a pas un virus qui est responsable de la maladie. Donc, c'est vraiment un très très beau document d'archives. Merci beaucoup à France Culture. Avec plaisir, Bernard Zalk, votre réaction. C'est un peu la même, je ne vais pas redire ce que Catherine Lubetzky vient de dire. Effectivement, moi je pensais qu'en 76 on disait 50 000 patients. Et là, c'est 30 000, donc une augmentation, c'est un triplement, enfin c'est énorme. En 40 ans. Oui, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Certes, les méthodes diagnostiques ont pu s'affiner. Ça, je veux pas aller contre ça, mais ça n'empêche que cliniquement, depuis Charcot et 1868, je pense que les critères diagnostiques, en tout cas cliniques, étaient déjà bien établis. Et donc, il n'y a pas que l'augmentation de la capacité de diagnostic, oui, du savoir-faire diagnostique avec les outils d'imagerie, ça ne suffit pas, me semble-t-il, à expliquer cette augmentation. Oui, probablement, je suis d'accord, ça suffit pas. Voilà, il y a sûrement une partie quand même qui est liée au fait que la définition de la maladie a un peu changé. Maintenant, on pose le diagnostic dès la première poussée, ce qui n'était pas le cas avant. On attendait deux poussées, etc. Donc maintenant, on a, avec les outils d'IRM, on a quand même facilité le diagnostic. Donc je pense que ça rend compte d'une petite partie de l'augmentation. Mais partout dans le monde, hein, ce qu'on constate, c'est une augmentation. Oui. Qui n'est pas un doublement, mais qui est une augmentation de la fréquence de la maladie. J'ai lu plus de 10% de cas par an. Ouais. C'est énorme, ouais, en termes de... Ben oui, épidémiologie. Oui. Voilà. Donc, il y a eu vraiment des changements avec une augmentation au cours de ces 30 dernières années. Sur l'origine à proprement parler, Bernard Zalk, alors, le virus, c'était une fausse piste. Aujourd'hui, en fait, de facto, on sait diagnostiquer, on sait définir cette maladie qui est la sclérose en plaques, mais on ne connaît pas exactement l'origine de cette maladie. Non, je crois qu'on ne connaît pas. Quand on est diplomate, on dit que sur un terrain génétique donné, il peut y avoir éventuellement une infection virale dans des conditions environnementales particulières qui font qu'on va déclencher la maladie. C'est-à-dire une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Hein. Oui, mais ce que ça veut dire, hein, c'est que ça élimine pas complètement l'hypothèse du rôle initiateur du virus, peut-être. Mais l'idée, il y a un virus, voilà, actuellement, en tout cas, c'est pas du tout le consensus. Mais c'est peut-être une réponse à différents types d'infections virales qui ont été contractées dans l'adolescence ou quelque chose. Et sur un terrain particulier. Particulier. Alors, sur le terrain, on va revenir dessus, hein, mais quand vous dites on connaît les composantes génétiques, il y a effectivement plusieurs études qui ont été faites. On sait qu'il y a des susceptibilités, notamment sur des gènes qui modulent la réponse immunitaire, parce qu'il faut préciser, hein, on l'a pas dit encore, que la sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative auto-immune. Mais néanmoins, ça n'est pas une maladie héréditaire pour autant. Ah non, non, non, certainement pas. Non, non, il y a des facteurs de familiaux. Ça, je crois qu'il y a une incidence qui est plus élevée, par exemple, chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux. Mais ça n'écarte pas du tout des critères environnementaux. Et les critères génétiques qu'on a trouvés sont quand même tous très très faibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce terrain de susceptibilité génétique à la maladie, qui est effectivement porté par 100 gènes, 120 gènes, etc., chacun de ces gènes ayant un tout petit poids en termes de risque, il y a quand même une partie, pas tous les gènes, mais une partie importante des gènes, comme vous le disiez, qui sont des gènes de la réponse immune. Ce qui laisse penser, si on réfléchit un peu au déclenchement, c'est que peut-être le primum movens, parce que c'est une question qui reste très débattue, le primum movens, c'est quand même probablement le dérèglement du système immunitaire. Et alors, il y a quand même aussi cette composante, disons, géographique, qui est très étrange, cette distribution géographique et sexuée, puisqu'il y a une prévalence très très forte, d'une part chez les femmes, et d'autre part, avec une répartition qui est beaucoup plus forte, mais très très nettement plus forte, plusieurs dizaines de fois plus forte, dans le nord de l'hémisphère nord, dans le sud de l'hémisphère sud, alors que sur une bande, plus on se rapproche de l'équateur, et plus la prévalence tombe. C'est très surprenant, et ça, on n'a pas d'explication du tout encore, Catherine Lubetzky. Non, on n'a pas encore d'explication. C'est vrai, la prédominance féminine, elle est connue depuis très longtemps. 4 femmes pour un homme, 3 ou 4 femmes. C'est un tout petit peu différent, mais les chiffres ont un peu changé. Il y a 15 ans, à peu près, on disait qu'il y avait 2 femmes atteintes pour un homme. Et puis, les études épidémiologiques les plus récentes, des 5, 7, 8 dernières années, montrent que ce chiffre s'est modifié. Maintenant, on dit qu'il y a 3 femmes atteintes pour un homme. Dans la forme la plus fréquente de la maladie, la forme qui évolue avec des poussées, ce qu'on appelle la forme rémitante. Donc, dans cette forme rémitante, les patients qui débutent une maladie sous forme rémitante, c'est 3 fois des femmes et 1 fois un homme. Et donc, il y a eu un passage en une vingtaine d'années, 25 ans, d'un ratio qui était 2 sur 1 à un ratio qui est 3 sur 1. C'est considérable. Et puis, c'est des études robustes qui l'ont montré. Et donc, il n'y a pas une explication univoque, il n'y a pas d'explication. Mais on peut penser qu'il y a plein de choses qui ont changé dans la vie des femmes au cours des 25 ou 30 dernières années, peut-être. Par exemple, vous pensez à quoi? Non, mais oui, je voulais rebondir là-dessus. pour dire que ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que plusieurs études ont retrouvé cette même modification du ratio homme-femme et dans plusieurs pays. Donc oui. C'est pas une spécificité française. En tout cas, en Europe, les États-Unis, je ne sais pas, mais en Europe, dans différents pays, on retrouve ce changement de ratio. Et vous disiez, Catherine Lubetzky, que il y a ces 20-30 ans, la vie des femmes a changé, c'est-à-dire que... Oui, ceci étant, ça ne me permet pas de vous donner une réponse. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de travaux actuellement sur les facteurs de risque liés à l'environnement. Et dans ces facteurs de risque liés à l'environnement, il y a l'ensoleillement qui joue. Mais voilà, ça ne doit pas concerner plus les femmes que les hommes. Il y a le tabac qui joue. Peut-être que les femmes fument plus maintenant qu'elles ne fumaient il y a 30 ans, c'est possible. Peut-être c'est en train de rediminuer. Dans les pays, dans les pays dits développés, c'est plutôt l'inverse. Hein, le nombre de fumeurs a plutôt tendance à régresser. Oui, mais peut-être que les femmes fumant sont plus importants. Je ne sais pas, c'est une des possibilités. Le troisième facteur de risque, c'est l'obésité. Il peut y avoir des facteurs d'alimentation, de consommation, etc., qui se sont modifiés. Voilà, on la connaît pas cette explication. Ce qu'on sait aussi, mais ça donne pas une réponse vraiment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres maladies auto-immunes qui touchent aussi de façon prédominante les femmes par rapport aux hommes. Par exemple, une autre maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde qui touche les articulations, c'est une maladie qui prédomine aussi nettement chez la femme. Mais là, chez la femme plus âgée, alors que là, c'est la femme jeune. J'ai lu aussi que la grossesse pouvait être un facteur déclenchant, en tout cas, pour les premières poussées, non ? Plutôt Catherine Lubetzky. Oui, la grossesse, ce n'est pas un facteur déclenchant. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a au contraire, pendant la grossesse, il y a une diminution du risque. Chez une femme qui a déjà une sclérose en plaques, pendant la grossesse, il y a une diminution du risque d'avoir des poussées. Et puis, pendant la période qui suit l'accouchement, qu'on appelle la période du postpartum, il y a une augmentation, au contraire, de ce risque de poussées. D'accord. Alors, à quoi on l'attribue, en fait, cette modification ? Pendant la grossesse, le système immunitaire de la femme se modifie pour qu'il n'y ait pas de rejet du fœtus. Et donc, c'est probablement cette modification du système immunitaire pendant la grossesse qui est responsable de la diminution du risque. Et donc, à contrario, au moment où, voilà, après l'accouchement, le système immunitaire revient à ce qu'il était initialement. Et à ce moment-là, il y a un risque d'apparition de poussée. Donc, c'est important de dire ça. La grossesse ne va pas déclencher une sclérose en plaques. La grossesse va révéler peut-être un petit peu plus tôt que ça n'aurait été le cas sans grossesse, une maladie qui s'appelle une sclérose en plaques. Et le fait d'avoir une grossesse, il y a eu beaucoup d'études là-dessus et c'est très important. Hein. Il y a pas, on contre-indique pas du tout aux femmes, du tout aux femmes atteintes de sclérose en plaques d'avoir un enfant, aux hommes non plus. La grossesse doit se passer normalement. Il y a un accouchement qui est normal, un allaitement qui peut se faire, etc. Donc ça, c'est des données qui sont importantes. Et pour ce qui concerne le lien entre grossesse et pronostic de la maladie, il y a aussi des études robustes qui ont montré que la grossesse ne modifiait pas le diagnostic de la maladie. Il y a des formes graves, il y a des formes moins graves, mais le fait d'avoir eu des grossesses ne modifie pas la gravité de la maladie. Et alors, deux autres questions, je l'évoquais tout à l'heure, cette question de la distribution géographique, c'est-à-dire encore une fois une prévalence nettement plus élevée sur la partie nord ou sud des hémisphères et beaucoup plus réduite quand on se rapproche de l'équateur. Est-ce que ça se vérifie sur toute la surface du globe et on ne comprend pas du tout ? Oui, ça se vérifie. Après, il y a toujours des petits isolats un peu différents, mais là encore, vous allez dire, on ne sait pas, voilà, on n'a pas la réponse. Mmh. Mais c'est vrai que plus on s'éloigne de l'équateur et plus la fréquence augmente. Voilà ce qu'on peut dire, mais voilà, c'est d'où le lien avec l'ensoleillement que vous évoquiez tout à l'heure. D'où le lien avec l'ensoleillement. Et ce qu'on peut se dire, c'est que il y a des facteurs de susceptibilité génétique qui sont pas tout à fait les mêmes dans les différentes régions. Il y a des facteurs de l'environnement qui sont pas les mêmes dans les différentes régions. Et puis, si on pense que il y a quand même peut-être des virus qui peuvent jouer un rôle de trigger de la maladie, eh bien, le déclencheur, ils sont pas les mêmes ils sont pas les mêmes dans les différentes régions du globe. Voilà. Mais ce gradient, il a été montré, remontré, etc. Même encore une fois, s'il y a des isolats un peu, il y a des isolants un peu différents. Oui, et c'est aussi le fait que les enfants qui migrent emportent avec eux leur risque. Ça, c'est très surprenant. Hein. Pour détailler ce que vous venez de dire, sur l'adolescence, hein, si l'adolescent change d'environnement avant ses 15 ans, elle acquiert le risque de sa région d'arrivée. Absolument. Et si l'adolescent change de région après ses gardants, il garde le risque de sa région d'origine. Donc ça, c'est des données qui ont été effectivement, qui ont été à un moment un peu contestées, mais qui le sont plus. Et donc voilà, ces données-là sont claires. Et voilà, il y a vraisemblablement une interaction entre des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques qui jouent un rôle. Hein, Alors nous actuellement, puisqu'on parlait de grossesse, la grossesse c'est quand même un moment aussi où le système hormonal est un peu chamboulé, et il y a actuellement une étude européenne où on recherche l'influence éventuelle de perturbateurs endocriniens qui expliqueraient d'une part ce changement de ratio homme-femme et d'autre part aussi l'augmentation de la prévalence du nombre de cas dans la sclérose en plaques. Donc ça veut dire qu'on se réorienterait effectivement vers vraiment une importante composante environnementale. Oui. Faut penser que dans les 40 dernières années, on a eu je crois plus de 300 perturbateurs endocriniens qui ont été introduits et qu'on a dans notre vie de tous les jours. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc tout au long de cette heure de sclérose en plaques en compagnie de Catherine Lubetzky et de Bernard Zalk. Maintenant que l'on a vu un peu ces zones d'ombre épidémiologiques, on va s'intéresser à la maladie elle-même. Et là, pour le coup, on a un certain nombre de réponses. C'est une maladie qu'on connaît aujourd'hui très bien, Catherine Lubetzky. Qu'est-ce qui se passe justement lors d'une poussée, c'est-à-dire en général après 15 ans, on vient de l'entendre, à l'adolescence? La première poussée déjà, elle se traduit comment en symptomatologie? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand on déclare cette première poussée de sclérose en plaques? Alors vous dites à l'adolescence, le plus fréquent quand même, la maladie débute le plus fréquemment entre 25 et 35 ans. C'est plutôt des jeunes adultes. À la sortie de l'adolescence. Voilà. Il y a aussi des adolescents, mais c'est moins fréquent. Dans l'ensemble, ce sont des jeunes adultes qui sont au début de leur vie personnel, familial, où se posent toutes les questions d'orientation. Et on fait une annonce d'une maladie qui est une maladie chronique, potentiellement invalidante, donc c'est difficile. Donc, la poussée d'abord, à quoi elle est due? Elle est due au fait que dans le système nerveux central, il y a cette perturbation du système immunitaire, donc cette cascade inflammatoire, on va dire, qui va dégrader une gaine qui s'appelle la myéline, dont Bernard Zalk vous parlera très bien tout à l'heure, et l'axone, c'est-à-dire le prolongement du neurone qui a perdu sa myéline, va être atteint, abîmé, etc. Et donc ces lésions qu'on appelle des plaques, parce qu'elles c'est des lésions qui sont généralement assez arrondies comme ça dans le système nerveux central, elles peuvent se situer un peu n'importe où dans le système nerveux central. Et quand on dit système nerveux central, c'est le cerveau, c'est le tronc cérébral, c'est la moelle épinière. Donc finalement, si on sait ça, il y a des lésions de la myéline sous forme de plaques qui peuvent être un peu partout disséminées dans le système nerveux central. On se rend compte que les symptômes de la première poussée ou des poussées de la maladie, ils peuvent être très très variables puisqu'ils dépendent uniquement de la localisation de la lésion de sclérose en plaques dans le système nerveux central. Si la lésion, elle touche la myéline du nerf optique, eh bien ça donnera des troubles visuels. Si elle touche la moelle épinière dans sa partie postérieure, par exemple, ça donnera des troubles de la sensibilité. Dans sa partie antérieure, plutôt des troubles moteurs. Si ça touche la région postérieure du cerveau qu'on appelle le cervelet, ça donnera des troubles d'équilibre. Si ça touche différents endroits de la moelle, ça peut donner des troubles urinaires. Et donc ça peut donner des syndromes extrêmement variables. Et aussi, parce que là j'en ai pas parlé, ça peut aussi donner, même si c'est moins fréquent au début, mais ça peut apparaître aussi, ça peut donner ce qu'on appelle des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés d'attention et de mémoire qui étaient pas très connues, je dirais, il y a un certain nombre d'années, et qui maintenant suscitent beaucoup d'attention aussi. La distribution de ces plaques, elle est strictement aléatoire, ou est-ce qu'il y a des schémas que l'on peut repérer au fur et à mesure? Ben, elle est à la fois aléatoire, c'est-à-dire on peut en voir à peu près partout, mais il y a quand même des endroits qui sont des sites de prédilection, même si prédilection n'est pas le bon mot, pour la première poussée. On sait que par exemple, l'atteinte du nerf optique, c'est la première poussée de la maladie dans 30% des cas. Même chose pour les troubles de la sensibilité, c'est inaugural dans 30% des cas. Comme s'il y avait des endroits un peu, qui étaient peut-être plus fréquemment atteints au début de la maladie. Mais après, on peut en voir partout. Bernard Zalk, alors expliquez-nous un peu concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire que donc, c'est le système immunitaire, certains lymphocytes qui vont attaquer cette myéline. La myéline, on peut dire que c'est une sorte de gaine autour des axones qui va permettre la transmission du signal neurologique, du signal nerveux. Dès 1871, Louis Ranvier faisait la comparaison entre un axone recouvert d'une gaine de myéline avec les câbles électriques qui étaient plongés. C'était les premiers câbles 1858 qui étaient entre d'abord la France et l'Angleterre, puis l'Irlande et les États-Unis. Et donc on sait très bien qu'on peut pas mettre un fil conducteur du cuivre directement dans l'eau de mer, il faut les entourer d'une gaine protectrice, et à l'époque c'était, on appelait ça le Gupta-Gupta, c'est du latex, en fait, qui permet d'isoler ce câble électrique de l'environnement salin de l'eau de mer. Et donc Louis Ranvier avait fait cette comparaison, il avait été très frappé, tout le monde je pense à l'époque a été très frappé par ces bateaux, c'est bien raconté dans Jules Verne, ces bateaux qui transportaient des milliers de kilomètres de câbles et qui déposaient ces câbles sur les fonds marins, on le fait toujours. C'est ça qui est extraordinaire, ça n'a pas changé, hein. Sauf que maintenant c'est plutôt des câbles optiques, hein, mais on doit toujours déposer ces câbles au fond de la mer et bien savoir où ils sont, et il faut les isoler. Donc ça a été la première fonction de la gaine de myéline, en sachant que la grosse différence avec les câbles électriques, c'est que la gaine de myéline n'est pas continue le long de l'axone. L'axone étant le prolongement unique de chaque neurone. Un neurone est composé de trois parties. Il y a d'abord le corps cellulaire, si vous voulez, mais il est entouré de dendrites, qui sont des petits prolongements, en général plutôt courts, et qui reçoivent les informations de partout, et ces informations vont être intégrées dans le corps cellulaire, et ça va donner un signal, le neurone va donner un signal vers son effecteur ou vers sa cible, qui peut être un autre neurone, mais qui peut être un muscle, qui peut être justement un système visuel, peu importe. Eh bien, cette gaine de myéline, elle n'est entourée que autour des axones, pas autour des dendrites, et elle est discontinue, ce qui permet au courant électrique, parce qu'effectivement le signal qui se transmet d'une cellule à une autre dans le système nerveux, c'est comme un signal électrique, on peut le mesurer en millivolts, et il se transmet dans une fibre myélinisée en sautant d'une interruption de cette gaine de myéline à une autre, c'est ce qu'on appelle un nœud de Ranvier, hein, c'est les interruptions de la gaine de myéline à intervalles réguliers, que ce soit dans le système nerveux central ou périphérique, et qui permettent une accélération d'un facteur 50 à 100, c'est énorme, l'accélération de la vitesse de conduction grâce à la gaine de myéline. Et on peut penser que c'est grâce à l'acquisition au cours de l'évolution de cette gaine de myéline que les vertébrés, parce que seuls les vertébrés ont une gaine de myéline, c'est grâce à la gaine de myéline que les espèces, que les vertébrés ont pu grandir en taille. Parce que ça leur permet, si vous pensez aux girafes, si vous pensez aux dinosaures, tous ces animaux qui sont quand même beaucoup plus grands même que l'homme. Mais voilà, si on veut pouvoir conduire une information à une vitesse raisonnable, il faut que ça soit myélinisé. Et alors, que se passe-t-il exactement, Bernard Zell, justement, quand cette gaine de myéline est attaquée? Ça veut dire que le courant, l'influx nerveux, donc, est ralenti, il est interrompu, il est dispersé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, en fait, si on veut être très, très honnête, on ne sait pas exactement. Mais il y a certainement, donc, je vous ai dit, la zone myélinisée, c'est ce qu'on appelle un internœud, puisque c'est la zone qui est comprise entre deux nœuds de Ranvier. Donc, c'est un internœud. On sait que si il y a un seul internœud qui est détruit, ça va induire un ralentissement de l'influx nerveux. Mais s'il y en a deux, s'il y en a trois, s'il y en a quatre, disons peut-être arriver jusqu'à cinq, on ne sait pas exactement le nombre, mais quand le nombre d'interneurs détruits est suffisamment grand, du coup ça induit ce qu'on appelle un bloc de conduction. C'est-à-dire que non seulement le courant cesse de passer plus lentement, mais comme dans une fibre non myélinisée, mais même il s'interrompt complètement. En gros, le courant ne peut pas partir rapidement et s'interrompre, alors qu'il peut partir lentement et accélérer. Est-ce qu'on sait pourquoi les lymphocytes, quels lymphocytes d'ailleurs, ce sont des lymphocytes particuliers, s'attaquent à la myéline, Catherine Lubetzky, qu'est-ce qui se passe exactement en fait? Alors c'est toute cette cascade inflammatoire en fait qui s'attaque à la myéline. Il y a différents types de lymphocytes. Il y a des lymphocytes T, il y a des lymphocytes B, je rentrerai pas dans le détail. Ces lymphocytes, ils vont entraîner la production de petites molécules qu'on appelle des cytokines. C'est des molécules produites par les cellules. Les lymphocytes B, ils vont entraîner la production d'anticorps. Et en fait, c'est toute cette cascade, c'est-à-dire les lymphocytes, les différents types de lymphocytes, les cytokines, les anticorps, qui vont aller s'attaquer à la gaine de myéline. Et puis, il y a aussi, en dehors des lymphocytes, il y a aussi des cellules qui sont pas des lymphocytes, qui font aussi partie de l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité innée, qui sont des cellules, des macrophages, les macrophages résidents du cerveau, qu'on appelle la microglie, qui vont aussi aller manger la myéline et donc participer à cette destruction. Donc c'est en fait toute cette cascade inflammatoire qui conduit à la destruction de la gaine de myéline. On parlait des symptômes tout à l'heure, donc évidemment on comprend bien que les symptômes sont très différents d'un individu à l'autre, puisque ça dépend de la zone qui est attaquée par justement cette cascade inflammatoire. Néanmoins, on parle, et on en a reparlé récemment dans une étude, des symptômes invisibles, qui sont des symptômes à bas bruit, dont on parle moins et qui sont néanmoins tout aussi importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est important. D'ailleurs, c'était le thème, les symptômes invisibles, c'était le thème de la campagne de l'UNICEF, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'associations sur la sclérose en plaques. Les symptômes invisibles, c'est ceux dont j'ai parlé déjà, qui sont les troubles de la sensibilité. Vous pouvez avoir des troubles de la sensibilité à type d'engourdissement, à type de fourmillement, des impressions de ruissellement le dos, sur les bras, sur les jambes, etc. C'est très gênant, mais c'est pas visible, donc ça fait partie des symptômes invisibles. Le symptôme invisible, je pense, dont les patients se plaignent le plus, c'est la fatigue. Alors vous allez me dire, la fatigue, on est tous fatigués, on a tous des raisons d'être fatigués. On peut être fatigué parce qu'on travaille trop, ou parce qu'on a mal dormi, ou parce qu'on est déprimé, etc. Mais dans la sclérose en plaques, et c'est vraisemblablement lié à la composante inflammatoire de la maladie, il y a vraiment une fatigue qui est très particulière et qui est vraiment pour des patients de temps en temps qui ont une forme qui pourrait nous apparaître bénigne si on les interrogeait pas vraiment, parce que finalement ils ont fait quelques poussées, ils ont bien récupéré, etc. Mais ils ont une vie qui est très handicapée par cette fatigue. La fatigue, elle peut être là tout le temps, du matin au soir, et puis de temps en temps, elle arrive dans la journée. Les patients la décrivent très bien. Ils disent, de tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb qui me tombe sur les épaules et j'arrive plus à avancer. Et donc, cette fatigue, on n'a pas encore la cause exacte, mais on a quand même vraiment l'impression qu'elle est liée à la composante inflammatoire. On n'a pas de traitement qui marche bien non plus dans cette fatigue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conseils qu'on donne pour les patients qui sont fatigués, tous les patients ne sont pas fatigués, mais je dirais que c'est au moins 50 à 60% des patients qui sont vraiment gênés par ce symptôme de fatigue. Avant, on leur disait, mais il n'y a pas tellement longtemps, jusqu'à il y a 5 ans, je crois, on leur disait, si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Donc, faites des siestes, entrecoupez la journée, etc., etc. Et puis maintenant, on a, alors, c'est vrai que l'exercice musculaire, ça a été décliné dans plein de pathologies. On a changé notre fusil d'épaule, pas juste comme ça, parce qu'il y a eu des études qui l'ont montré. Et on dit qu'au contraire, trop se reposer, c'est probablement pas une bonne chose quand on est fatigué, parce qu'on se démuscle. Et à ce moment-là, tous les efforts deviennent plus difficiles parce que on a moins de muscles pour les faire. Et donc, ce qu'on conseille, au contraire, quand on est fatigué, c'est bien de prendre en compte cette fatigue, bien sûr. Donc, de temps en temps, de faire des petites pauses, mais pas trop. Et au contraire, d'avoir une activité musculaire. Et il y a quand même des évidences qui se sont accumulées au cours des quelques dernières années, là, 2-3 dernières années, sur le rôle favorable de l'exercice musculaire dans l'évolution de la maladie. Et Bernard puis, Zalk. Pour revenir sur ces signes qui sont, disons, entre guillemets, invisibles, on comprend très bien que si vous avez une atteinte du nerf optique, vous allez perdre la vision. Ça se voit. C'est le cas de le dire. Si c'est le système auditif, vous allez perdre l'audition. Voilà, vous allez moins bien entendre. Mais il y a des signes qui sont plus subtils. Il y a des zones qui parlent moins, et notamment ce qu'on appelle le corps calleux, qui est une zone de fibre qui rejoint l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et là, des atteintes de ce faisceau très important qui est le corps calleux, les signes cliniques sont beaucoup plus subtils et surtout qui peuvent être pris en charge par d'autres régions. Et ça aussi, je pense que c'est une des raisons, enfin, c'est ce qu'on appelle les signes invisibles parce qu'ils sont plus difficiles à détecter. Sur ce oui, tout à fait. Voilà, dans ces signes invisibles, il y a aussi le fait que souvent les choses se font un peu plus lentement, et probablement ces atteintes intracaleuses peuvent jouer un rôle justement dans le fait que la connexion étant un peu assurée de temps en temps, un peu interrompue. Voilà, il y a des mécanismes d'attention, de concentration qui demandent plus d'efforts et qui se font plus lentement. Et sur la fréquence des poussées, on parle de poussées parce que c'est dans 85% des cas une maladie à pousser, une maladie discontinue. Est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des poussées à certains moments? Et puis ces poussées, est-ce qu'elles sont régulières chez tous les patients? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'on comprend ce mécanisme-là? Oui. Catherine Lubetzky. Donc c'est une maladie qui effectivement dans 80% des cas débute par des poussées. Mais après, voilà, dans l'évolution de la maladie, après, on peut commencer une maladie avec une phase de poussée qu'on appelle une phase rémitante. Mais c'est-à-dire, ça dure combien de temps La phase rémitante. De poussée, ouais. La phase ouais, où il y a des poussées. Mmh. On dit actuellement que environ 50% des patients sont entrés ou sont sortis de la phase rémitante 15 à 20 ans après le début de la maladie. Donc sont entrés 15 à 20 ans après le début de la maladie dans la deuxième phase qu'on appelle la phase secondairement progressive dans 50% des cas environ. Ça c'est l'histoire naturelle de la maladie. Est-ce que les traitements, on en parlera tout à l'heure des traitements, les traitements qui sont arrivés et qui au cours de ces 10-15 dernières années ont quand même révolutionné la prise en charge, est-ce que ces traitements vont permettre de faire reculer le début de cette phase secondairement progressive ou vont l'empêcher? Pour le moment, on n'a pas encore d'éléments qui nous permettent de répondre avec certitude. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est qu'une poussée? Mm-hmm. C'est ça? Ou quelle est la fréquence des poussées? La fréquence des poussées, leur durée déjà, c'est dure combien de temps une poussée en général? Alors, une poussée, c'est des symptômes qui apparaissent et qui vont durer, voilà, en tout cas plus de 48 heures. Si c'est moins, on parle pas de poussée et qui généralement durent entre 3-4 semaines. Donc ces symptômes, ça va être ce dont on a parlé tout à l'heure, un trouble de la vision, un trouble de la marche, un trouble de l'équilibre, etc. En sachant qu'on peut avoir en même temps en fait des symptômes qui sont différents. Après, quelle est la fréquence des poussées? Elle est plus fréquente au début de la maladie qu'au bout de 10 ans d'évolution. Le plus souvent, pendant les premières années de la maladie, la fréquence, elle est entre 1 à 2 poussées par an, pas plus. Pas plus. Et donc la fréquence des poussées diminue plutôt au bout d'une dizaine d'années de la maladie. La sévérité des poussées est très variable. Il y a des poussées qui peuvent être très minimes avec un petit trouble de la sensibilité qui va durer 3 semaines. Ça gêne un petit peu, mais on prend rien. Et puis, voilà, tout rentre dans l'ordre. Et puis, il y a des poussées au contraire qui vont être des poussées très sévères donnant une atteinte de la moelle avec, ça dépend de la localisation de la lésion, de la taille de la lésion, donnant un trouble de la marche majeur qui va empêcher complètement le patient de marcher pendant un certain nombre de semaines. Et ces poussées, elles récupèrent donc soit complètement, et à ce moment-là, la marche redevient normale, la course redevient normale, etc. Soit incomplètement, et malheureusement, au fur et à mesure de l'accumulation des poussées, la récupération est moins bonne. Est-ce qu'on comprend pourquoi cette maladie fonctionne en poussée et pas de manière continue? On sait, on connaît l'origine de ces poussées en quelque sorte. Qui veut répondre? Bernard Zelk? Moi, je veux bien répondre. Catherine Lubetzky. Ces poussées, finalement, elles sont là quand... il y a une réactivation des cellules du système immunitaire dans le système nerveux central. Donc on sait qu'il y a quelques facteurs qui peuvent les favoriser. On sait que les infections des voies aériennes supérieures, par exemple, ça favorise un petit peu l'apparition des poussées, le postpartum, la période après la grossesse aussi dont on parlait tout à l'heure. Donc on sait qu'il y a ces facteurs-là, ils jouent un rôle et vraisemblablement ces facteurs-là jouent un rôle en activant le système immunitaire. Donc la réponse, ces poussées, elles sont liées à désactivation par poussée du système immunitaire. Ce système immunitaire, il est déclenché, il est activé par des facteurs de l'environnement, par des facteurs viraux. Voilà. Dernière question pour conclure cette partie. Vous avez parlé de la phase secondairement progressive. Il y a une autre forme de la sclérose en plaques qui est une forme plus sévère que l'on dit primitivement progressive. Quelle est-elle et quelle est son épidémiologie? Oui, donc l'autre forme de la maladie, c'est la forme qu'on appelle la forme progressive d'emblée ou la forme primitivement progressive. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une maladie dans laquelle il n'y a pas de poussée, mais où il va y avoir une aggravation progressive du handicap neurologique sans poussée, avec éventuellement des fluctuations comme ça, mais sans poussée. Cette forme progressive de la maladie, cette forme d'emblée progressive, elle se distingue de la forme rémitante. C'est pas les mêmes patients. Les patients qui ont une maladie qui débute sous forme rémitante, c'est dans l'ensemble les jeunes adultes, alors que les patients qui ont une forme progressive d'emblée, dans l'ensemble, ils ont tous au-delà de 40 ans. Généralement, c'est entre 40 et 45 ans le début de la phase, enfin la maladie qui débute sous forme progressive d'emblée. C'est très rare de voir un patient de 50 ans débuter sa maladie avec des poussées, et à contrario, c'est très rare de voir un jeune débuter sa maladie par une progression d'emblée. Now blue, while your heart keeps saying you're not mine, not mine, not mine, not mine. My troubled mind grows blue to another you'd be with. But now I'm so lonely all the time. Precious dreams I had for you and me, and take all that love I thought was mine. Someday your crazy arm will hold somebody new, but now I'm so lonely all the time. Jerry Lee Lewis, 16h35 sur France Culture, Crazy Arms. Nous parlons tout au long de cette heure de la sclérose en plaques. Nous en parlons avec Catherine Lubetzky, qui est professeure de neurologie à Sorbonne Université, chef du département de neurologie à la Pitié-Salpêtrière, coordinatrice du centre expert sur la sclérose en plaques, et Bernard Zalk, directeur de recherche émérite à l'INSERM, ancien directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors nous allons maintenant nous intéresser aux traitements et aux pistes de recherche. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à une forme de traitement qui doit aider à enrayer les poussées de la sclérose en plaques. Ça se passe au centre d'investigation clinique de l'Institut du cerveau de la moelle épinière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui, là-bas les médecins et chercheurs font des études sur une protéine dont les effets sont déjà bien connus dans le cadre des maladies auto-immunes. Il s'agit de l'interleukine 2. À très faible dose et bien ciblée, elle peut moduler l'action du système immunitaire qui s'attaque à la gaine de myéline. Céline Loapre, neurologue et médecin, teste actuellement cette thérapie sur des patients. Un test qui se déroule sur 8 mois et dont les résultats pourraient aboutir à un nouveau médicament. Dans l'unité dans laquelle nous nous trouvons, les patients viennent en évaluation. On évalue, on va dire, leur état clinique en général, donc avec une évaluation neurologique, parfois selon les protocoles ou selon les études, des tests de mémoire, des tests de marche. Et l'intérêt également donc de notre lieu de recherche est qu'on est donc implanté dans l'ICM avec à disposition les plateformes d'imagerie comme la MEG, la magnétoencéphalographie, et les équipes de recherche qui vont analyser les données des patients. Alors que plusieurs médicaments nouveaux qui ne sont pas encore commercialisés ou disponibles sont en cours d'évaluation. Et puis, il existe également un protocole, notamment, où on va tester l'efficacité d'un médicament qui est déjà utilisé dans d'autres indications, qui s'appelle l'interleukine 2, dans l'idée d'aller stimuler une population particulière de lymphocytes qui serait un lymphocyte un petit peu protecteur, qu'on appelle les lymphocytes T-régulateurs. Alors, quelle est l'originalité de cette interleukine 2 et comment on peut l'exploiter dans cette voie de recherche ? Alors, cette étude est à l'initiative du professeur Catherine Lubetzky et du professeur David Klatzmann, qui est immunologiste à la Pitié-Salpêtrière et qui ont eu comme idée d'utiliser cette molécule à des doses complètement différentes de ceux pour lesquels elle est habituellement utilisée. Et là, l'originalité, c'est que cette molécule va être essayée à des doses très faibles, on appelle ultra faibles, à peu près 100 fois la dose inférieure à celle qu'elle est utilisée, pour stimuler uniquement une seule sous-population de lymphocytes, qu'on appelle les lymphocytes T-régulateurs, et qui ont pour but d'une part de moduler la réponse immunitaire et d'autre part peut-être qui pourrait favoriser la réparation de la myéline. Donc à partir de cette idée, l'interleukine 2 va être administrée à des patients qui ont une sclérose en plaques pendant 6 mois. Les patients vont recevoir soit l'interleukine 2 à dose ultra faible, soit une molécule placebo, identique mais sans le principe actif. Et on va évaluer comment les patients vont pendant cette étude, notamment sur le plan immunitaire, hein, avec le dosage des lymphocytes régulateurs, ça c'est le premier point. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir évaluer est-ce que les paramètres d'imagerie qu'on a mesurés pendant l'étude peuvent permettre de démontrer qu'il y a une meilleure réparation. Alors, pour répondre à cette question sur la réparation, on utilise des séquences d'imagerie qui nous permettent de indirectement aller mesurer la myéline, qui est le constituant de la gaine qui entoure les fibres nerveuses. Alors, est-ce que vous pourriez détailler un peu le protocole de cette étude clinique ? Alors, on avait prévu de proposer cette étude à 30 patients et il y a au total un suivi de 8 mois. Mais quel est le profil de ces patients ? Est-ce que c'est à un stade avancé de la maladie ? Est-ce que c'est un stade plutôt précoce ? Alors, pour cette étude spécifiquement, il s'agissait de patients qui sont à un stade plutôt débutant, hein, qui font des poussées de la maladie de façon occasionnelle, mais là qui sont plutôt à une phase stabilisée avec leur traitement habituel et malgré tout pour lesquels on observe que l'IRM bouge avec l'apparition de nouvelles lésions. Alors donc les patients viennent en consultation pour leur suivi habituel dans le service de neurologie. Ensuite donc les patients viennent donc au centre d'investigation clinique et s'ils ne présentent pas de contre-indications pour le protocole, reçoivent les premières doses de traitement. Il y a d'abord 5 doses de traitement puis ensuite un traitement d'entretien tous les 15 jours. Et cela pendant 6 mois. Dans l'intervalle, nous analysons, avons commencé à analyser les IRM, on a regardé le nombre de lésions, on regarde si les patients ont une IRM qui bouge ou qui bouge pas, mais pour le moment, on ne sait pas quel patient a reçu le traitement ou le placebo. On ne peut pas donc dire si le traitement à ce stade est efficace ou pas. C'est important pour ne pas être influencé par les résultats lorsqu'on juge sur l'état clinique du patient ou sur des éventuels effets secondaires. Alors ici, donc on a un certain nombre de métiers de la recherche clinique hein, qui peuvent être un peu différents des services de soins habituels. Ici, vous avez le bureau des attachés de recherche clinique. Donc ici, on se trouve vraiment au point de départ de tout le circuit de recherche. Voilà, alors en partie parce que les études peuvent être coordonnées par un attaché de recherche clinique ou par une infirmière dédiée à la recherche clinique. Donc ici, on arrive sur les différentes salles de consultation. On en a 4 dans lesquelles on évalue les patients qui participent aux études et qui donc peuvent voir le médecin, voir le neuropsychologue, voir l'attaché de recherche clinique, faire différents tests ou avoir les prélèvements sanguins, par exemple, effectués par les infirmières. Ici, vous avez le laboratoire où les prélèvements sont techniqués avec nos 2 techniciennes. En fait, il y a 3 techniciens de laboratoire qui s'occupent de préparer les échantillons, de les manipuler. Voilà. Ici, vous avez donc le bureau des infirmières de recherche clinique. On a sur notre structure 8 infirmières totalement dédiée à la recherche clinique. Celle qui s'occupe des patients peut être pour la coordination de l'étude, pour s'occuper de mettre en place l'étude sur le plan logistique, mais aussi sur l'administration des traitements, les prélèvements et la surveillance des patients. Et c'est vrai qu'il faut aussi vraiment remercier de façon très importante les patients qui acceptent de participer à la recherche clinique. Et c'est quand même grâce à ce genre de recherche que les thérapeutiques dans le domaine de la sclérose en plaques ont vu le jour, avec de nombreuses possibilités pour s'adapter de façon individuelle aux différents profils des patients. Alors il nous reste beaucoup de chemin à faire, notamment pour les patients qui ont une forme progressive de sclérose en plaques, pour permettre une meilleure récupération après les poussées ou un meilleur pronostic, notamment dans les formes progressives justement. Voilà le reportage du jour au Centre d'investigation clinique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière sur cette molécule, l'interleukine 2. Peut-être une réaction bien à Catherine Lubetzky à ce que vous venez d'entendre ? Non, Céline a très très bien décrit le protocole et l'essai et le rationnel de l'essai, donc c'est bien. Après, il faut se dire, voilà, pour le moment, il faut rester prudent. C'est une étude monocentrique, hein, c'est vraiment une étude pilote. Et en fonction des résultats qu'on devrait avoir dans moins d'un an, eh bien, on verra si les résultats sont positifs, ce qu'on espère bien entendu. Eh bien, à ce moment-là, on passera de l'essai monocentrique à l'essai multicentrique et donc on continuera l'aventure. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une nouvelle façon de jouer sur ce système immunitaire trop activé en essayant de le réguler. Alors ça c'est une piste, oui Bernard Zalk, un mot. Oui, juste une petite chose, l'essai va durer 8 mois et ça je pense que c'est grâce au progrès de l'imagerie qu'on peut faire des essais qui sont si brefs parce que sinon on était obligé de les faire que sur l'évolution des signes cliniques, oui. Donc un minimum de 2 à 5 ans, alors que grâce au progrès de l'imagerie, on peut réduire le temps des essais cliniques. Et ça, c'est vraiment un véritable progrès. C'est un point vraiment important, effectivement, parce que on dit que voilà, dans la sclérose en plaques, le développement de l'immunothérapie, ça a été un vrai succès. Et si ça a eu un succès, et voilà, c'est important que tu le dises, voilà, si ça a eu ce succès-là, c'est parce qu'on a des marqueurs d'efficacité. Et que l'imagerie permet, alors que c'est pas toujours le cas dans d'autres pathologies, là, on peut effectivement, en 6-8 mois, avoir une réponse, ça marche, ça marche pas. Ça, ce sont donc des progrès, effectivement, en immunorégulation notamment. Il y a d'autres types de thérapeutiques qui sont à l'essai, mais pour cela, j'aimerais qu'on en parle, et j'aimerais qu'on parle d'un phénomène tout de même qui est important, puisque c'est là-dessus que ces thérapeutiques vont jouer. C'est sur une mécanique naturelle qui a lieu dans le cerveau, mais pas de façon suffisante, Bernard Zach, c'est la remyélinisation. Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi s'agit-il? Et comment peut-on encourager finalement ce système pour permettre, eh bien, éventuellement, là, dans ce cas-là, du recouvrement? Parce qu'il faut bien préciser que pour le moment, la quinzaine de médicaments qui ont été mis en place depuis les années 90 permettent d'atténuer les poussées, mais ne permettent pas de recouvrement des malades. Bernard Zach. Alors, absolument. Vous avez très très bien vu. Tous les traitements immunomodulateurs, immunosuppresseurs qui sont utilisés vont s'attaquer et vont essayer de réduire l'aspect auto-immun de la maladie. Maintenant, le deuxième aspect... Donc ils réduisent la fréquence des poussées. Voilà. Absolument. Et ça, c'est très important, notamment pour la qualité de vie des patients. Parce que si vous faites une poussée par an au lieu de 3 poussées par an, c'est quand même un gain dans votre qualité de vie. Donc il ne s'agit pas de nier ça. En revanche, le problème reste entier en ce qui concerne la remyélinisation, c'est-à-dire ces zones qui ont démyélinisé, qui sont la cause des symptômes qu'éprouve le patient, eh bien il s'agit de refaire cette gaine de myéline. Alors, et moi j'aime bien l'histoire. Et déjà en 1906, c'est-à-dire sans microscope électronique, juste avec un petit microscope, quelqu'un qui s'appelle Otto Marburg, qui est décédé bien sûr maintenant, avait déjà remarqué que dans des cerveaux de patients décédés, il y avait des zones qu'on appelle maintenant les shadow plaques, les zones d'ombre. C'est-à-dire que quand il y a une gaine de myéline normale, elle prend certains colorants, et on voit que chez les patients, il y a des zones où ces colorants n'existent pas, ne prennent pas la coloration. Et donc ce sont, disons, des zones blanches. Et puis il y a des zones qui sont grises. Et déjà à l'époque, Otto Marburg avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir soit de zones en cours de démyélinisation, soit au contraire des zones qui étaient en train de remyéliniser. Et depuis, en tout cas, dans les modèles animaux, on a bien montré qu'il y a une remyélinisation. Et même donc récemment, c'était, je crois que le papier de Bruno Stankoff et de Benedetta Bodini est de 2016, donc c'est quand même assez récent. On a pu, en utilisant d'autres méthodes radiologiques, montrer que chez certains patients, il y avait effectivement une remyélinisation, alors que d'autres patients, au contraire, leurs lésions ont l'air de s'aggraver. Mais l'idée qu'il y a un mécanisme endogène qui permet cette remyélinisation, c'est-à-dire la reconstitution d'une gaine de myéline autour des axones qu'il avait perdu, c'est une cible thérapeutique fantastique. Ouais. Je rebondirai là-dessus en disant que ce qui a été montré aussi par différents moyens, soit des études de cerveau, soit des études d'imagerie, soit dans des modèles expérimentaux, c'est que la réparation de la gaine de myéline, ça protège l'axone. Et donc, c'est neuroprotecteur. Et donc, L'idée qui est développée par un certain nombre de groupes dans le monde, c'est que en favorisant la remyélinisation, on va prévenir la composante neurodégénérative de la maladie et on va, on l'espère, empêcher l'accumulation du handicap progressif. Et je crois même, et je parle sous votre contrôle l'un à l'autre, que chez certains rares patients, c'est les cas très rares, cette remyélinisation fonctionne elle à plein et donc on a peut-être une, deux ou quelques poussées et puis plus rien après, donc il y a une forme de rémission. Catherine Lubetzky. Oui, alors je pense que effectivement, effectivement, il y a des formes très différentes de maladies. Il y a des formes sévères, puis il y a des formes tout à fait bénignes, des patients qui vont avoir quelques poussées, et puis plus rien, un examen neurologique tout à fait normal et aucun symptôme. Je pense qu'à ce moment-là, il y a deux facteurs qui s'associent. Il y a d'une part la dynamique inflammatoire de la maladie qui s'arrête, ça c'est une chose, et elle s'arrête soit spontanément, soit aussi parce qu'on a des médicaments qui sont capables de la diminuer ou de favoriser justement cet arrêt. Et puis d'autre part, il y a une récupération qui a été suffisamment complète pour que les axones soient en bon état et se mettent pas des années plus tard à souffrir et à dégénérer. Et alors les pistes thérapeutiques, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types d'approches, une approche endogène, une approche exogène, Bernard Zalg. Aujourd'hui, vous travaillez plutôt sur l'approche endogène, c'est-à-dire comment faire pour ramener des cellules souches, donc dont vous allez nous parler, à remyéliniser justement ces axones endommagés. Absolument. Donc, ce qu'on a pu observer, ce qu'on appelle ces zones d'ombre, les shadow plaques dans la sclérose en plaques, démontre qu'il y a un processus endogène de réparation. Et comment faire pour ce processus visiblement n'est pas suffisant et c'est pour ça que le handicap chez certains patients continue à augmenter. Et comment faire donc pour arriver à amplifier ce processus et comment faire pour arriver à mobiliser les cellules qui vont être responsable de cette réparation endogène. Alors, les cellules qui fabriquent la gaine de myéline dans le système nerveux central, on les appelle les oligodendrocytes. Et il y a dans le système nerveux entre 5 à 8% de la totalité des cellules, c'est-à-dire y compris les neurones, 5 à 8% de cellules qui sont ces précurseurs d'oligodendrocytes. Donc on parle de plusieurs centaines de milliards de cellules, ou en tout cas dizaines de milliards de cellules, qui sont là et qui peuvent justement être stimulées pour devenir des oligodendrocytes, parce qu'elles ce sont des précurseurs, elles sont pas encore capables de faire de la myéline, mais elles peuvent, dans certaines conditions, devenir des cellules qui vont fabriquer des cellules myélinisantes, qui vont fabriquer une gaine de myéline, et comment favoriser ce mécanisme et justement éviter l'épuisement de ce mécanisme. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a effectivement favoriser, accélérer cette spécialisation des oligodendrocytes en myéline pour reconstituer les gaines de myéline endommagées. Et puis l'autre question, c'est qu'il faut les encourager, mais aussi il faut les amener au bon endroit. Il y a une question de guidage qui là aussi n'est pas encore tout, qui est encore un vrai obstacle thérapeutique pour le moment. Absolument. Et en fait, ça serait plutôt Catherine Dubitsky qui pourrait répondre parce qu'elle a un projet de recherche. Si vous voulez, ce sont des méthodes intéressantes parce que il y a eu d'abord des premières études qui étaient fondamentales et qui montraient que on pouvait jouer sur la migration des oligodendrocytes. On peut jouer. C'est un jeu qui est naturel, c'est-à-dire qu'ils sont générés dans certaines régions du cerveau au cours du développement précoce, et puis ils vont migrer vers les endroits où ils vont fabriquer cette gaine de myéline. Eh bien, une fois identifiés ces facteurs qui jouent sur la migration, on peut penser, et c'est le travail qui est en cours, que si on arrive à amener dans les zones démyélinisées ces facteurs qui vont attirer les précurseurs d'oligodendrocytes et qui vont leur permettre de s'installer là où il y a une lésion, eh bien, on pourrait favoriser la remyélinisation. Donc ça, c'est également une voie extrêmement encourageante de recherche. Mais on n'en est qu'à l'état, bien entendu, de recherche. On est à la stratégie préclinique, là. On n'est même pas en essai clinique. Et du coup, j'ai lu que dans ces pistes de recherche endogènes, c'est-à-dire avec de l'apport de cellules souches, il y avait une réflexion, en tout cas, ou des tests fait en introduisant des cellules IPS, c'est-à-dire des cellules reprogrammées pour être des cellules... C'est plus endogène, c'est exogène. C'est exogène, pardon, excusez-moi. Exogène. Excusez-moi, pour la remyélinisation, c'est moi qui m'emmêle les pinceaux. Donc oui, à côté de la stimulation de la réparation endogène, donc des capacités spontanées faire que voilà, ça remyélinise mieux et plus vite, il y a aussi l'autre voie qui est parallèle. Il ne faut pas dire que l'une est bonne et l'autre n'est pas bonne. Il y a deux voies qui se développent en parallèle. Et ce qui est important, c'est que la recherche avance, qui consiste à introduire des cellules... Exogènes, donc ils vont remyéliniser. Et donc là, actuellement, il y a différents... Donc les IPS, les cellules pluripotentes induites, c'est une voie. Mais il y a aussi actuellement une étude qui est coordonnée par nos collègues de Milan, Gianvito Martino, qui est une étude qui est de phase 1-2 actuellement, où des patients atteints de sclérose en plaques, de forme sévère de sclérose en plaques, ont reçu par voie intratégale, c'est-à-dire en injectant les cellules dans le liquide céphalo-rachidien, des cellules souches donc qui sont isolées, des cellules souches fœtales en fait. Et donc l'étude est en cours. Pour le moment, ce qui a été testé, c'est la sécurité. Les patients vont bien. Et voilà, la phase d'évaluation de l'efficacité, ça va être un peu plus tard. Et donc ce passage des essais de remyélinisation exogène chez l'homme, voilà, l'étape a été franchie. Oui. Et puis toujours dans les essais de remyélinisation endogène, donc en favorisant, donc vous avez abordé le problème avec les cellules, les molécules qui vont favoriser la migration et attirer l'attraction de ces cellules remyélinisantes vers les lésions. Il y a aussi d'autres molécules dont on connaît moins bien le mode d'action, mais dont on sait qu'elles favorisent la remyélinisation. En tout cas, dans les modèles animaux, hein, on est en préclinique, mais il y a déjà au moins une molécule qui est en phase 2, je crois. Oui, en phase 2. En phase 2. La molécule anti-lingo 1 ? Non, c'est pas ça. Il y en a deux. Il y en a une voilà, qui s'appelle anti-lingo. Donc, c'est un anticorps monoclonal qui est actuellement testé qui favorise la maturation des précurseurs. Voilà ça. Voilà. Donc ça, c'est Lingo One avec l'étude qui est en cours, l'anticorps anti-Lingo One avec l'étude qui est en cours. Et puis il y a des études de phase 2 qui sont en cours avec, comme le disait Bernard Zalk, avec une molécule qui s'appelle la clémastine, qui favorise la maturation en fait des cellules précurseurs. Bernard Zalk. Non, absolument. Et je pense qu'il y a d'autres molécules qui sont alors tout à fait à un état préclinique, hein, et qu'on peut tester dans différents modèles animaux, justement, qui ont été testés et qui montrent que quand on a un mécanisme de déminisation, eh bien, si on donne à l'animal ces molécules, on favorise la remyélinisation, et de façon qui est assez considérable. Donc, on peut penser que ces molécules, si elles arrivent à passer toutes les étapes nécessaires, et c'est vrai que c'est une course d'obstacle de passer de l'animal à l'homme, et c'est normal, hein, parce que voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait de risque trop grand. Et bien, ces molécules devraient favoriser la remyélinisation. Et bien sûr, si on parle de stratégie réparatrice, hein, il ne faut pas se dire que c'est soit réparation, soit anti-inflammation. Hein. Ces stratégies réparatrices, elles sont en plus des stratégies anti-inflammatoires, bien sûr. On a le sentiment tout de même, quand on se penche sur cette littérature scientifique, qu'il y a effectivement beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours et qu'il y a une dynamique qui est assez, on peut dire, optimiste. Et or, dans le cas des maladies neurodégénératives, on est rarement optimiste, on est plutôt très pessimiste. Oui. Là, pour le cas de la sclérose en plaques, on a l'impression qu'on n'est quand même pas très très loin d'aboutir à quelque chose. Vous le confirmez, Catherine Lubetzky? Aboutir, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en 15 ans, voilà, la prise en charge des patients s'est considérablement modifiée. Il y a, en 1993 ou quelque chose comme ça, il y avait zéro molécule, zéro traitement de fond. Maintenant, il y a 13 molécules qui sont des immunothérapies qui sont données aux patients et qui ont une efficacité. Donc, une vraie efficacité de ces immunothérapies, un vrai succès de ces immunothérapies. Et puis, à côté de ça, là, maintenant, la stratégie préclinique de réparation qui était toujours pas chez l'homme depuis 2 ans et chez l'homme. Donc, on est dans une dynamique qui est très encourageante. Eh bien, c'est agréable pour terminer par une note d'espoir. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Catherine Lubetzky, merci Bernard Zalk. On peut vous lire sur le sujet Myéline, le turbo du cerveau, avec Florence Rosier, c'est chez Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Noémie Guetzin, Vulfranc. C'est Olivier Bétard à la réalisation et Swad Boukorsa à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous parlerons des zones humides qui ont disparu à près de 90% de la surface de notre planète du fait de l'action de l'être humain. Comment faire pour sauver les quelques rares qui restent ? On essaye de trouver des solutions demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.